11. Vous allez me dire que mon philosophe s'est coupé les ailes pour fortifier les jambes. Certainement, et il a bien fait. L'expérience borne la carrière qu'elle nous ouvre. Elle nous a donné notre but. Elle nous donne aussi nos limites. Nous n'avons qu'à regarder les éléments qui la composent et les événements dont elle part pour comprendre que sa portée est restreinte. Sa nature et son procédé réduisent sa marche à quelques pas. Et d'abord, les lois dernières de la nature ne peuvent être moins nombreuses que les espèces distinctes de nos sensations. Nous pouvons bien réduire un mouvement à un autre mouvement, mais non la sensation de chaleur à la sensation d'odeur ou de couleur, ou de son, ni l'une ou l'autre à un mouvement. Nous pouvons bien ramener l'un à l'autre des phénomènes de degrés différents, mais non des phénomènes d'espèces différentes. Nous trouvons les sensations distinctes au fond de toutes nos connaissances, comme des éléments simples, indécomposables, absolument séparés les uns des autres, absolument incapables d'être ramenés les uns aux autres. L'expérience a beau faire, elle ne peut supprimer ces diversités qui la fondent. D'autre part, l'expérience a beau faire, elle ne peut se soustraire aux conditions dans lesquelles elle agit. Quel que soit son domaine, il est limité dans le temps et dans l'espace. Le fait qu'elle observe est borné et amené à une infinité d'autres qu'elle ne peut atteindre. Elle est obligée de supposer ou de reconnaître quelque état primordial, d'où elle part et qu'elle n'explique pas. Tout problème a ses données, accidentelles ou arbitraires. On en déduit le reste, mais on ne les déduit de rien. Le soleil, la terre, les planètes, l'impulsion initiale des corps célestes, les propriétés primitives des substances chimiques sont de ces données. Si nous les possédions toutes, nous pourrions tout expliquer par elles, mais nous ne saurions les expliquer elles-mêmes. Pourquoi, demande Mill, ces agents naturels ont-ils existé à l'origine plutôt que d'autres? Pourquoi ont-ils été mêlés en telle sorte? Pourquoi ont-ils été mêlés en telle ou telle proportion? Pourquoi ont-ils été distribués de telle ou telle manière dans l'espace? C'est là une question à laquelle nous ne pouvons répondre. Bien plus, nous ne pouvons découvrir rien de plus régulier dans cette distribution même. Nous ne pouvons la réduire à quelque uniformité, à quelque loi. L'assemblage de ces agents n'est pour nous qu'un pur accident. Et l'astronomie, qui tout à l'heure nous offrait le modèle de la science achevée, nous offre maintenant l'exemple de la science limitée. Nous pouvons bien prédire les innombrables positions de tous les corps planétaires, mais nous sommes obligés de supposer, outre l'impulsion primitive et son degré, outre la force attractive et sa loi, les masses et les distances de tous les corps dont nous parlons. Nous comprenons des millions de faits, mais au moyen d'une centaine de faits, que nous ne comprenons pas. Nous atteignons des conséquences nécessaires, mais au moyen d'antécédents accidentels, en sorte que, si la théorie de notre univers était achevée, elle aurait encore deux grandes lacunes, l'une au commencement du monde physique, l'autre au début du monde moral, l'une comprenant les éléments de l'être, l'autre renfermant les éléments de l'expérience, l'une contenant les sensations primitives, l'autre contenant les agents primitifs. Notre science, dit votre Royer Collard, consiste à puiser l'ignorance à sa source la plus élevée. Pouvons-nous au moins affirmer que ces données irréductibles ne le sont qu'en apparence et au regard de notre esprit? Pouvons-nous dire qu'elles ont des causes comme les faits dérivés dont elles sont les causes? Pouvons-nous décider que tout événement à tout point du temps et de l'espace arrive selon des lois et que notre petit monde, si bien réglé, est un abrégé du grand? Pouvons-nous par quelque axiome sortir de notre enceinte si étroite et affirmer quelque chose de l'univers? En aucune façon, et c'est ici que Mill pousse aux dernières conséquences, car la loi qui attribue une cause à tout événement n'a pour lui d'autres fondements, d'autres valeurs et d'autres portées que notre expérience. Elle ne renferme point sa nécessité en elle-même. Elle tire toute son autorité du grand nombre des cas où on l'a reconnue vraie. Elle ne fait que résumer une somme d'observations. Elle lit deux données qui, considérées en elles-mêmes, n'ont point de liaison intime. Elle joint l'antécédent et le conséquent, pris en général, comme la loi de l'apesanteur joint un antécédent et un conséquent pris en particulier. Elle constate un couple, comme font toutes les lois expérimentales, et participe à leur incertitude comme à leur restriction. Écoutez ces fortes paroles. Je suis convaincu que si un homme habitué à l'abstraction et à l'analyse exerçait loyalement ses facultés à cet effet, il ne trouverait point de difficulté, quand son imagination aurait pris le pli, à concevoir qu'en certains endroits, par exemple dans un des firmaments dont l'astronomie sidérale compose à présent l'univers, les événements puissent se succéder au hasard, sans aucune loi fixe, et rien, ni dans notre expérience, ni dans notre constitution mentale, ne nous fournit une raison suffisante, ni même une raison quelconque, pour croire que cela n'a lieu nulle part. Pratiquement, nous pouvons nous fier à une loi si bien établie. Mais dans les parties lointaines des régions stellaires, où les phénomènes peuvent être entièrement différents de ceux que nous connaissons, ce serait folie d'affirmer hardiment le règne de cette loi générale, comme ce serait folie d'affirmer, pour là-bas, le règne des lois spéciales, qui se maintiennent universellement exactes sur notre planète. Nous sommes donc chassés irrévocablement de l'infini. Nos facultés et nos assertions n'y peuvent rien atteindre. Nous restons confinés dans tout un petit cercle. Notre esprit ne porte pas au-delà de son expérience. Nous ne pouvons établir entre les faits aucune liaison universelle et nécessaire. Peut-être même n'existe-t-il entre les faits aucune liaison universelle et nécessaire. Mill s'arrête là, mais certainement en menant son idée jusqu'au bout, on arriverait à considérer le monde comme un simple morceau de fait. Nulle nécessité intérieure ne produirait leur liaison ni leur existence. Ils seraient de pures données, c'est-à-dire des accidents. Quelquefois, comme dans notre système, ils se trouveraient assemblés de façon à amener des retours réguliers, quelquefois ils seraient assemblés de manière à n'en pas amener du tout. Le hasard, comme chez Démocrite, serait au cœur des choses. Les lois en dériveraient et n'en dériveraient que ça et là. Il en serait des êtres comme des nombres, comme des fractions par exemple, qui selon le hasard des deux facteurs primitifs, tantôt s'étalent, tantôt ne s'étalent pas en période régulière. Voilà sans doute une conception originale et haute. Elle est la dernière conséquence de l'idée primitive et dominante que nous avons démêlée au commencement du système, qui a transformé les théories de la définition, de la proposition et du syllogisme, qui a réduit les axiomes à des vérités d'expérience, qui a développé et perfectionné la théorie de l'induction, qui a établi le but, les bornes, les provinces et les méthodes de la science, qui dans la nature et dans la science a partout supprimé les liaisons intérieures, qui a remplacé le nécessaire par l'accidentel, la cause par l'antécédent, et qui consiste à prétendre que toute assertion utile a pour effet de former un couple, c'est-à-dire de joindre deux faits qui par la nature sont séparés.